silence comme mauvais présage. Homme de science en apprentissage, sauveur des subconscients sous esclavage. Bonne conscience en image, esprit dépourvu de courage. Silence guerrier de monde ancien, proche oui proche de certains esprits seigneurs. D'esprit du destin, apporter le créateur au peuple de misère. Bénir ses ennemis en temps de guerre. Partager ou partager la même terre. Oublions l'enfer, comme le cristal, la musique naturelle. Regardez grandir ses enfants près d'elle. La pauvreté, mademoiselle immortelle. Plus rien de spirituel, dans la spiritualité perdue à jamais. Silence hip-hop à jamais. J'aime ma musique inconsciente réalité. Que le monde soit sauvé, partageons la même terre. Soyons proches d'un père et d'une mère. Cherchons à nous satisfaire. Réussissons au peuple de lumière. Donc comme le cristal, le talent est naturel. Merci, oh merci pour la sagesse. À présent plus d'ennemis en faiblesse. Que les sept péchés se confessent. Retour aux sources. Douleur mentale bourrée de ressources. Instinct animal bourrée de ressources. Natural mystique, retour aux sources. Le hip-hop a pris mon cœur. Des heures de travail dans le malheur. Aimer, aimer, aimer ma sœur. Musique spirituelle, soldat d'ailleurs. Instrumental intérieur. J'ai vu partir plus d'un meilleur. Oh, j'aime ma musique. Syllabe à inch, une marque de fabrique. Connaître le côté obscur de la planète. Entendre le péché du monde. Regarder mourir ce qu'on aime. Se battre sans aucun sens pour soi-même. Donner ce qu'on a de meilleur pour bien. Puis perdre les siens. Sortir au sortir de toutes ces idées noires. Se retrouver dans un miroir. Nuages, soleil, étoiles et bonheur. Composition, composition en mineur. Jolie fille, oh jolie fille en numéro privé. Aimer, détester puis aimer. Oh, aimer, détester puis aimer. Oh, yeah.